الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فإنا ينامون منه إلا قليلا وإليكم بعض سور المتقين في قيام الليل بدءا بسيد الأولين والآخرين وسيد المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم الصحابة الكرام الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مترسيا إذا مر بآية فيها تسبيح سب وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فكان ركوعه والقيام بعده والسجود نحو قام ما قام رواه مسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي. وقال مرة بالليل وتلا قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فسقط مغشيا رضي الله عنه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا نام الناس قام فيسمع له ذوي كذوي النحل حتى الصبح، أي كثرة تلاوته رضي الله عنه. وكان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل ويقول: يا نافع هل دام السحر بعد؟ فإن قلت نعم نزع عن القراءة وأخذ بالاستغفار. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثا، يصلي الثلث ثم يوقظ زوجته لتصلي الثلث ثم يوقظ الخادم ليصلي الثلث رضي الله عنه. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى مكة فكان يقوم شطر الليل رضي الله عنه. وكان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنا، ثم يقوم يصلي. وقال الذر: يا أيها الناس إني لكم ناصح وإني عليكم شفيق منكم صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور. وقال الأوزاعي رحمه الله: من أطال قيام الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة. معاشر المؤمنين، معاشر المؤمنين، فمن الأسباب المعينة على قيام الليل الخوف من الله عز وجل، الخوف من الذنوب والسيئات، والخوف من الوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، وصلاة الجماعة. وقال ثابت البناني رحمه الله تعالى: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وقال أبو سليمان: لولا الليل ما أهدفت البقاء في الدنيا، أي لأجل أن يصلي بالليل. وقال سفيان الثوري: إني لأفرح بالليل إذا جاء، أي لشدة محبته لقيام الليل رحمه الله تعالى. أخذ ناس جارية من الحسن رحمه الله، فلما صارت عنده في أول ليلة قامت تصلي بالليل، ثم أيقاظهم ليصلوا، فقالوا: أوقد طلع الفجر؟ قالت: لا، ولستم تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا: نعم. فلما أصبح ذهبت إلى الحسن وقالت له: بعثني لقوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة، فردني إليك رحمك الله. فردها رحمة الله عليه. فكان السلف يعظمون قيام الليل ويحبون تلاوة القرآن بالليل ومناجاة ربهم عز وجل. كان هارون بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: علمت من الجنة كيف ينام طالبها، ومن النار كيف ينام هاربها. ثم يقرأ: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون. وقوله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، زدوا واجتهدوا وارتجوا شبيبتكم إلى ألقاب، قل أن تمر في ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. قالت ابنة الربيع: يا أبتي، ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: يا بني، إن أباك يخاف السيئات، هذا الذي طرد نوم السلف، هذا الذي طير السلف من فروشهم محاسبة النفس ومعرفة آثار الذنوب والمعاصي. وكان طاووس رحمه الله يثب من على فراشه ويتطهر ويستقبل القبلة حتى الصبح ويقول: طير بئر جهنم نوم العابدين. فاسأل الله عز وجل أن يجعلنا خير الخلق في خير السلف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى في صلاة الليل، صلاة خمس نصف في سبعة، les dieux seront dans les jardins et parmi les sources. Ils recevront de leur Seigneur ce qu'il leur aura donné, car ils étaient auparavant des bienfaisants. Ils dormaient eux la nuit, Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Les dieux prédécesseurs, et à leur tête le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons, puis leurs successeurs, se levèrent et priaient la nuit. Et nous allons nous rappeler certains hadiths et certains textes de nos vieux prédécesseurs pour voir quelle considération et quel amour ils avaient pour la prière de nuit, en commençant par le meilleur de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hunayfa radiallahu anhu nous dit, j'ai prié une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la récitation de surat al-Fatiha, il a récité Al-Baqarah. Au 100e verset, j'ai pensé qu'il allait s'incliner, mais il a continué jusqu'à finir la sourate. Puis j'ai pensé qu'il allait s'incliner, mais il a enchaîné avec sourate Nisa. Puis j'ai pensé qu'il allait s'incliner, puis il a enchaîné avec sourate Ali Imran. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré son âge avancé, récite en une nuit plus de 100 pages du Coran. Plus de 100 pages du Coran, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah al-Mas'ud radiallahu anhu nous dit, j'ai pris une heure avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai failli faire une chose grave. On lui a dit, quelle est cette chose? Il a récité tellement longuement que j'ai failli m'asseoir et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam priait tellement longuement et se tenait tellement longuement devant son Seigneur dans la récitation du Coran que ses pieds s'effritaient, comme le raconte Aïcha, radiallahu anhu. Quant à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il disait, si je dors la journée, alors je délaisserai la responsabilité envers le peuple, et si je dors la nuit, alors je délaisserai la responsabilité envers ma propre personne. Comment dormir avec tout cela, ô Mouawiyah, radiallahu anhu. Et une nuit il s'est levé et a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Qur. Selon la traduction des sens de ce verset, certes le châtiment de ton Seigneur est inéluctable, personne ne peut le repousser. Il est tombé et s'est évanoui devant la lourdeur des sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Abdullah ibn Mas'ud, le savant du Coran, lorsque la nuit tombait et que les gens allaient dormir, il se levait lui et priait. Et on entendait à côté de la pièce comme un bourdonnement d'abeilles. On entendait à côté de sa pièce tel un bourdonnement d'abeilles jusqu'au fait. Radiallahu anhu. Quant à Abdullah ibn Omar, il priait très longuement la nuit et il dormait très peu. Et il disait à son servant Nafi', ô Nafi', est-ce que la fin de la nuit est arrivée? Et si je lui disais oui, il arrêtait la lecture et demandait pardon à Allah. Il faisait le istighfar. Quant à Abu Huraira, un exemple dans Qiyam al-Layl avec sa famille, il divisait la nuit en trois. Il priait le premier tiers de la nuit, puis il réveillait son épouse qui priait le deuxième tiers de la nuit. Puis il réveillait son servant qui priait le troisième tiers de la nuit. Abdullah ibn Abi Mulayka nous dit, j'ai voyagé avec Abdullah ibn Abbas de Médine jusqu'à la Mecque. Et il priait la moitié de la nuit. Radiallahu anhu. Radiallahu anhuma. Quant à Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu, lorsqu'il s'allongeait sur son lit, il était comme une graine qu'on avait mise sur la marmite. Il bougeait dans tous les sens. Puis il disait, ô Allah, le rappel de l'enfer m'empêche de dormir. Le rappel de l'enfer m'empêche de dormir. Et il se levait et il priait durant la nuit. Radiallahu anhu. Quant à Abu Bakr, il a conseillé la communauté. Et il a dit, ô vous les gens, je suis un bon conseiller pour vous. Et je suis plein de compassion et de miséricorde envers vous. Priez dans les ténèbres de la nuit pour la noirceur de votre monde. Priez dans les ténèbres de la nuit أخبر المحسن بالأسكريتي في الكتب. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى Il disait, celui qui prie longuement durant la nuit, Allah lui allègera la longueur de la comparution le jour de la résurrection. Il nous faut donc connaître les causes qui nous poussent, à nous lever la nuit. La connaissance d'Allah, la peur de la comparution devant lui, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur de nos péchés et d'entrer en enfer et à l'abdillah. Mohammed ibn Murtadir, rahimahullah, disait, il ne me reste comme plaisir dans ce bas monde que trois choses. Le fait de prier durant la nuit, le fait de rencontrer les frères d'Allah et la prière à la mosquée en groupe. David El-Bouyani, rahimahullah, disait, je ne trouve rien dans mon cœur de plus délicieux que de me lever pour prier la nuit. Et Abu Sulayman disait, n'eût été la nuit, je n'aurais pas aimé vivre dans ce bas monde. Subhanallah. Sans la nuit, je n'aurais pas aimé vivre dans ce bas monde. C'est-à-dire de par l'amour qu'ils avaient pour la prière de nuit. Et Sofiane Thawri disait, lorsque la nuit arrive, mon cœur se remplit de joie. C'est-à-dire qu'il aimait énormément la prière de nuit. Al-Hassan al-Basri avait une servante. Et les gens sont venus lui prendre. Il a donc accepté. Et arrivé chez eux, la première nuit, elle s'est levée dans la nuit à prier. Puis elle a réveillé les membres de la famille pour qu'ils prient eux aussi durant la nuit. Ils lui ont dit, est-ce que le fait, est-ce que c'est le fait? Elle a dit non. Mais est-ce que vous ne priez que les prières obligatoires? Ils ont répondu oui. Au matin, elle est partie trouver Al-Hassan al-Basri. Elle est partie trouver Al-Hassan al-Basri. Et elle lui a dit, tu m'as donné à des gens qui sont mauvais. Ils ne prient même pas durant la nuit. Ils ne prient que les prières obligatoires. Qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait vu notre état et notre situation? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et elle a demandé à reposer chez Hassan et il accepta cela. Ils aimaient énormément la prière de nuit et ils aimaient se tenir debout devant Allah pour l'invoquer et le supplier, lui demander pardon pour leur péché et son grand paradis. Al-Haram ibn Hayyan sortait la nuit et il élevait sa voix et disait, comme je m'étonne de voir des gens prétendre rechercher le paradis et pourtant ils dorment la nuit. Comme je m'étonne de voir des gens prétendre se sauver de l'enfer et pourtant ils dorment la nuit. Puis il récitait la traduction récente de ce verset, des versets de la traduction dont les traductions sont, est-ce que les gens de la cité se voient à l'abri d'être touchés par un châtiment alors qu'ils dorment? Et il récitait également la course aux richesses vous a préoccupé jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et Abu Ishaq al-Soubayri, bien sali, il disait, pour vous les jeunes, faites des efforts pour la prière de nuit. Accrochez-vous, faites des efforts pour la prière de nuit. Car moi, alors qu'il avait atteint un âge avancé, il disait, car moi, il n'y a pas une nuit qui passe sans que je ne récite 1000 versets. Subhanallah. Sans que je ne récite 1000 versets. Rahimahullah ta'ala. La fille de Rabi' disait, ô mon père, ô cher père, comment se fait-il que je vois les endormis et toi je ne te vois pas dormir? Il lui a répondu, ô ma chère fille, le rappel de mes péchés m'empêche de dormir. Le rappel de mes péchés m'empêche de dormir. Voici ce qui a fait voler les nuits des anciens, les nuits des plus prédécesseurs, le fait de faire leur compte, d'avoir peur de leurs péchés. Quant à Paout, rahimahullah, une fois le milieu de la nuit arrivé, une fois la nuit arrivée alors qu'il était couché, il sautait de son lit, il faisait un robot, se dirigeait en face de la Qibla et il priait jusqu'au matin, rahimahullah, et il disait, voici ce qui a fait voler la nuit des pieux, le rappel de l'enfer. Voici ce qui a fait voler la nuit des pieux, le rappel de l'enfer. Une femme est entrée chez l'imam al-Awza'i pour visiter son époux. Une femme est entrée chez l'imam al-Awza'i, rahimahullah, pour visiter son époux. Elle a vu dans un coin de la pièce de l'eau sur le sol. Elle lui a dit que ta mère te perde. Tu as été distrait de tes enfants au point où ils ont uriné, ou le chien, le riz, au point où ils ont uriné, uriné dans l'endroit où le chien rit, elle lui a dit « Malheur à toi, ce que tu vois là n'est pas de rire, mais ce sont les larmes de chien chaque nuit lorsqu'il arrête au matin. » Subhanallah, en prosternation, il pleurait tellement. Rahimahullah ta'ala, il y avait une flaque d'eau sur le sol. Il y avait une flaque d'eau sur le sol. Rahimahullah ta'ala. Parmi les choses qui aident à se lever à lui, le fait de se rappeler de connaître la description du paradis, le fait de se rappeler et de connaître la description du paradis, Abdelaziz ibn Rawad s'allongeait dans son lit et il touchait la douceur de sa couverture et il disait « Oh, combien tu es douce !» Et la douceur des vêtements du paradis les plus encore. Alors il se levait et priait durant la nuit. Quand Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, il priait la nuit et lorsqu'il ressentait un peu de faiblesse, lorsqu'il ressentait un peu de faiblesse ou de démotivation, il disait « Ayyadunu ashabu Muhammadi, ayyasbiquna ilayhi » Est-ce que les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pensent qu'ils vont nous dépasser dans cela et nous laisser à l'arrière? Wallahi, la uzahimannahum, alayhi hatta ya'lamu, annahum khallahu rijalan ba'dahum. Je jure par Allah que je vais les rattraper dans cette adoration afin qu'ils sachent qu'ils ont laissé après eux des hommes qui se lèvent et prient la nuit, puis ils se remotivèrent et priaient jusqu'au fajr. Wa ta Yahya ibn Mu'ad, rahimahullah ta'ala, disait le remède du cœur se trouve dans cinq choses. La lecture du Coran avec méditation, le fait de ne pas trop manger, le fait de prier la nuit, de supplier Allah aux dernières heures de la nuit et de s'asseoir en compagnie des personnes pieuses. Lorsque tu te lèves la nuit, il te faut montrer ton grand besoin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed ibn Wasi', rahimahullah ta'ala, alors que la nuit tombait, il se levait et priait et disait « Waïli min zunubin qad uhsiyat wa min sahifatin qad muliyat » Il se levait la nuit et priait et disait dans ses invocations « Malheur à moi pour tous ces péchés qui ont été enregistrés et tous ces feuillets qui ont été remplis et mon Seigneur a su tout cela et rien ne lui est caché. » Et parmi ceux qui aident à prier la nuit, le fait de prier progressivement est augmenté en commençant d'abord après l'Isha avec quelques rak'ats légères. Puis, en priant à la fin de la nuit, et augmenter progressivement. David al-Bunani, rahimahullah, disait, j'ai fait des efforts pendant 20 ans pour m'accrocher à la prière de nuit. Et pendant 20 ans, j'ai pris du plaisir par la suite dans la prière de nuit. Les anciens, lorsqu'ils rataient une nuit en prière, ils pleuraient et étaient désespérés. Ou plutôt, ils étaient dépités. L'un d'entre eux, Abu Ja'far, est entré chez Ahmed ibn Yahya et il l'a trouvé en train de pleurer. Il lui a dit tout à l'heure, il n'a pas voulu lui répondre. Après avoir insisté, il lui a dit, je ne me suis pas levé cette nuit. Je ne me suis pas levé cette nuit. Et je pense que c'est dû à un péché que j'ai commis. Puis il s'est remis à pleurer. Rahimahullah ta'ala. Parmi les choses qui aident à prier la nuit, le fait de ne pas trop manger, particulièrement le soir. Imam al-Nawawi rahimahullah disait, mange peu la nuit et tu réussiras à prier. Mange peu et tu réussiras à prier. Parmi les choses qu'il y a à prier la nuit, le fait de délaisser les péchés de se repentir. Un homme a dit à Ibrahim ibn Adham, je n'arrive pas à prier la nuit, donne-moi le remède. Et il lui a dit, ne désobéis pas à Allah la journée, en espérant qu'il te maintienne debout devant lui durant la nuit. Car prier et se tenir debout devant Allah, et une des plus grandes noblesses. Et cette noblesse, Allah ne l'accorde pas à celui qui lui désobéit. Alors, à dire Hassan, Ya Aba Saïd, je me couche en bonne santé et je prépare l'eau pour faire les robots pour prier la nuit, mais je n'arrive pas. Comment se fait-il? Comment cela se produit-il? Il lui a dit, tes péchés t'ont enchaîné. Tes péchés t'ont enchaîné. C'est pour cela que tu n'arrives pas à prier la nuit. Donc il nous faut délaisser les péchés et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus grandes fautes, le fait de savoir qu'Allah te voit lorsque tu te lèves pour prier la nuit. Le fait de savoir qu'Allah t'entend lorsque tu lis le Coran et tu l'invoques et lui demandes pardon. Allah dit dans le Coran, il place la confiance au puissant le très miséricordieux, celui qui te voit lorsque tu te lèves et vois tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Le fait d'avoir une bonne compagnie et une épouse pieuse et une des plus grandes causes pour se lever la nuit. Habib al-Hashmi a dormi une nuit, son épouse, vers la fin de la nuit, s'est réveillée. Elle lui a dit, oh toi, lève-toi et prie dans la nuit avant que le fait n'arrive. Le voyage est long vers au-delà et je ne vois qu'avec très peu de provisions. Les gens pieux sont déjà partis dans ce voyage et nous, nous sommes encore ici. Voici la femme et l'épouse vertueuse qui encourage son époux. Mansour ibn Mu'tamir priait sur le toit de sa maison. Écoutez ce hadith des plus étonnants. Un homme qui se nomme Mansour ibn Mu'tamir priait sur le toit de sa maison. Chaque nuit, lorsqu'il est décédé, plus tard, un enfant est passé par là, accompagné de sa mère. Il lui a dit, oh maman, où est le fond d'arbre qui était sur le toit de la maison? Elle lui a dit, oh mon fils, ça n'est pas un fond d'arbre, c'est Mansour ibn Mu'tamir qui est décédé. Ça n'est pas un fond d'arbre, mais c'est Mansour ibn Mu'tamir, rahimahullah ta'ala, qui est décédé. Les gens pensaient que c'était un fond d'arbre, tellement il restait longtemps debout dans la prière, rahimahullah ta'ala. L'épouse de Masroukh, rahimahullah ta'ala, disait que lorsqu'arrivait le matin, les jambes de Masroukh enflaient. Elles étaient gonflées tellement elles priaient longuement durant la nuit. Et elle dit, je me mettais derrière lui et je pleurais par miséricorde envers lui, tellement il priait longuement durant la nuit et ses pieds enflaient. Et lorsqu'il était fatigué, il prenait la position assise et continuait la prière. Ibrahim ibn Shammas dit, je connaissais l'imam Ahmed alors qu'il était encore jeune enfant et il priait déjà durant la nuit. Al-Qasim ibn Ayyub disait, Saïd ibn Jubayr pleurait tellement dans la prière de nuit qu'il a fini par tomber malade. Il priait tellement dans les prières de nuit qu'il a fini par tomber malade, c'est-à-dire sa vue a baissé. Et pour finir, comment prier la nuit? Quels sont les sunnahs lorsqu'on prie la nuit? Le prophète alayhi salam se levait la nuit. Il prononçait l'invocation, puis il utilisait le siwak pour se nettoyer la bouche et les dents. Ensuite, il faisait un roudou. Puis, il commençait par deux unités de prière qui étaient légères. Et ensuite, il priait de deux en deux. Et il a dit la prière de nuit, c'est deux rak'as, plus deux rak'as, plus deux rak'as. Et lorsque tu as peur d'atteindre le faible, alors fais le witr. C'est-à-dire une unité pour compléter. Le tout, ceci est la meilleure façon de prier. Aussi, lorsqu'il arrivait sur un verset où il y avait les paradis, il demandait le paradis. Lorsqu'il y avait un enfer sur l'enfer, il demandait protection près d'Allah contre l'enfer. Et lorsqu'il y avait un verset où il y avait tasbih, il disait subhan. Aussi, le prophète alayhi salam priait très longuement. Et il invoquait Allah azza wa jalla très longuement. Parmi les sunnahs, celui qui prie la nuit, lorsqu'il finit ses prières et que le sirfa, il demande pardon à Allah azza wa jalla. Quand au temps de la nuit, c'est du Isha, après le Isha jusqu'au Fajr, c'est le temps pour prier la nuit. Et celui qui rate la prière de nuit, il peut rattraper cela après le jour, après le lever du soleil, mais il devra prier un nombre pair et non pas un nombre impair. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.